je les connais tous par cœur. Toujours avec ses rêves, armures inox, on est les meilleurs. J'ai trop de match comme un rouage, j'ai un grand cœur. À 340 km/h, je fais pleurer tous les inspecteurs. Dans le nouveau Audi RS6, rempli de la bonne, ah oui. Puff Daddy dans sa chambre, il a un poster de mon pote la fouine. Touffe son placard, truante la galère, il a le choquine. Cliquez, pente de salope, ta main fait avec moi, je la tartine. Je multiplie ma frappe de force, je travaille même en Chine. On me dit toujours, je suis un mec incroyable, mais vrai. Je sais pas lire, mais j'ai fait un film extraordinaire. Un truc de fou, j'ai plus de meufs aujourd'hui que toutes mes sexes. Je suis la photocopie du fusil à pompe, je te tartine et je te tèche. Poum, dans la chatte à ta grand-mère. J'ai acheté un bateau, jaloux, tu peux pas monter, t'as le mal de mer. Superman et Batman, ils ont troqué leur t-shirt contre un train de la galère. Et c'est reparti pour un Kiana City, on remet sa vue en armure. Et à la vraie, tous les détails le savent. Personne ne vous nous teste dans ce putain de game. Sur le son de la Lega. Et c'est reparti pour un Kiana City, on remet sa vue en armure. Et le crasheur de bonnes rimes. Après moi, les gens diront que les clasheurs font gaulerie. C'est le son du terre-terroir. À vous tes pépères, what? J'joue pas les guetters, what? C'est le son du terre-terre 4. Un conseil, déteste pas. J'ai des rimes de philosophe. En concert, c'est bestial. Avec ça, siffle et full ZF. Du concept, il reste là. Du fric, c'est tout ce qu'on rêve. C'est nous les best guesscars. Les jaloux flippent tellement qu'on fout up. Ici, rien de 9-5. C'est la même. Du 6-8 au 9-5. Ouais, c'est la merde. Les suicides, les revins. En plus, les keufs pincent. On les détue et porte plein. T'es massé, chemin. Comment veux-tu qu'on se porte bien? Ratata, j'suis fort dingue. La face qui tire en rafale. Encore flingue, vif, pire qu'une tatate, pas de forain. C'est ta face que tu ravales, mon cousin. Armurie, morsaille, on a des projets trop lourds, dingue. Et c'est reparti pour la Guyana City. On remet sa vue en armurie. À la vraie, tous les détails le savent. Personne ne vous nous teste dans ce putain de game. Sur le son de la Lega. Et c'est reparti pour un Guyana City. On remet sa vue en armurie. Y'a ce qu'il faut pour la bagarre. Plus besoin de me présenter. T'as reconnu le flow de bâtard. Patate de marocain. T'as senti le zizitoun. C'est un putain de frat. Un mâché dans le virage. La route tourne. Allez cliquer. Rends de salope. C'est armurie. Fit morsaille. On fait du rap, pas du hip hop. Ça vient de la rue. Donc c'est ça. Un film de cul sur la prod. Comme impulsif. C'est trop tard. Le temps découle. Et la drogue. Et j'partirai comme Escobar. Et qu'on a. Ferme ta gueule. J'suis à l'abri sur internet. Derrière le micro, c'est la même. C'est ma vie que j'interprète. Combattant du terre-terre. J'ai la haine qui défouraille. J'suis en train de sortir de la galère. Et les jaloux s'en foutent de rage. Ici, c'est de nique sa mère. J'écris ce texte à l'arrache. Y'a que des genoux à terre depuis que j'ai sorti la hache. Sur le son du terre-terre 4, laisse-moi foutre mon petit bordel. J'ai mis le game à 4 pattes. Maintenant, j'vais lui péter la rondelle. Et c'est reparti pour la Guyana City. On remet sa vue en armurie.